Line Line-in, est-ce que, comme moi, tu t'es ennuyé de nos auditeurs et nos auditrices de CKRL? Moi, ça m'a paru, ah, des années, heureux de vous revoir ce soir. Ce sera une émission exceptionnelle. Appelez vos amis, même s'il est minuit et quelques poussières. Dérangez-les. Je sais qu'on est lundi. Bon, la semaine commence, mais vous connaissez des travailleurs de nuit, des gens, des insomniaques, des personnes qui ne savent pas à quel moment dormir parce qu'ils sont tellement pris par leur travail ou leur passion. Donc, réveillez-les ou secouez-les ou, ben, pas trop fort, là. Non, je veux pas avoir de mort sur la conscience. Parce que j'en ai assez comme ça. Pas, non, attendez là, pas parce que j'ai tué consciemment, mais en été, lorsque je marche à l'extérieur, je me sens tellement coupable. Combien de fourmis combien de fourmis j'assassine sans le savoir? Combien d'insectes, combien de bibittes, en un mot, combien de bibittes je tue simplement en déambulant, en errant dans Québec et encore un peu partout dans le monde, surtout, vous savez où. Et je me sens coupable, mais coupable, parce qu'en fait, je tue la biodiversité. Si. La nature va si mal, je suis un des coupables. Crucifiez-moi sur la place publique. Non, c'est pas l'écho, là, public, place publique, vous, le public. Ah, attendez, on va recommencer. Comment, là? Crucifiez-moi sur la place publique. Ah, voyons donc, je l'ai manqué. Crucifiez, quatrième prise, on n'a plus de ruban. Crucifiez-moi sur la place publique, auditeur et auditrice. Ah bon, là, il n'y a pas d'équivoque, hein? Tout est précis. Tout est bien dit. Tout est placé. Le comédien était à son apogée, pour ne pas dire à son zénith. Nous sentions même l'élan créatif d'Alain Delon, mais un peu de loin. Alors, on y va. Hey, on va commencer par le début, s'il vous plaît. Courbez la tête. Aujourd'hui, le lundi 22 avril 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! It's a long way. il y a quelques semaines de cela déjà, je suis allé voir avec l'amoureux de ma filleule. C'est ça, ouais. Ma filleule a un amoureux. Et c'est ce gars-là que ma sœur a choisi. Parce que j'avais invité à l'origine ma sœur pour aller voir Fred Pellerin. Imaginez-vous, j'avais les billets depuis 2 ans. C'est des supplémentaires de supplémentaires de supplémentaires de... Mets-en des couches de supplémentaires, c'est pas de longueur. Hey, moi, là, quand j'achète un billet, déjà, que ça fait... J'en ai parlé, hein, il y a pas longtemps. Ouais. Je la date! Je la date! Mais j'en ai une semaine, pas grave. J'ai le droit. Je m'attendais pas à tous les jours. Quoique, il y avait des animatrices que j'adorais écouter. Comment elle s'appelait, donc? Puis elle parlait tout le temps de son fils. En tout cas, peu importe. Et donc, j'ai... ma soeur ne pouvait pas parce qu'elle travaillait le lendemain. Puis, quand je vous dis travailler, elle se lève à 14 du matin. Donc, mais elle a une fin de semaine sur deux où elle a 3 jours de congé. Mais ce n'était pas son 3 jours de congé. Donc, elle a demandé, ça me l'a demandé, au copain de ma filleule, elle a un amoureux, et cet amoureux-là, bon. Et je le connais depuis, quoi, 2 ans, mais peut-être que dans toute ma vie, j'ai parlé avant d'aller voir Fête Prélin, peut-être 2 heures. Puis encore là, c'est entrecoupé, parce que bon. Et non, parce que bon, c'est pas parce qu'il m'intéresse pas. Non, parce que moi, quand il y a des invités, je préfère me retirer. Ben, je suis sociable, là, mais à mes heures. Puis c'est rarement à mes heures. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, puis ben moi, ce que je voulais à l'origine, c'est d'aller manger avant un steak frites. Dans mon pub préféré sur la rue Saint-Jean. Et par la suite, aller au Grand Théâtre de Québec pour aller applaudir Fred Pellerin. C'est un spectacle extraordinaire. C'est son meilleur de tous les temps. Et parce que je les connais. Je les connais de A à Z. Je les ai tous vus. Soit en DVD ou en spectacle. Tout ça pour dire que on invite le monsieur en question. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire, moi? T'sais, on n'a pas grand-chose en commun, à part de... Je croyais que c'était un gars de... Ben, pas de radio, mais comme il avait... il a un studio d'enregistrement, il s'est acheté une maison avec ma filleule. Et au sous-sol, ben, il y a tout l'équipement d'un beau studio là, pour jouer de la guitare puis faire des maquettes. Et quand je suis descendu, puis que ma filleule, avant que... Je vais vous raconter. Avant que je parte pour Paris, il y a quelques mois, ma filleule qui m'accompagnait à l'aéroport m'a dit « Ah, ben je vais te faire visiter ma maison. » Je dis « OK. » Alors, on va au sol et je vois un Tascam. Le même Tascam que j'ai chez moi, mais dans une valise que j'ai pas me placer sur dans aucun de mes studios parce que j'ai 2 studios, comme vous le savez. Le studio des abeilles, dont je ne suis pas actuellement présent, ou je ne suis pas présent actuellement. Et le studio de mon salon, c'est là que je suis actuellement, à ce moment précis. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui habitent en haut, et en haut de mon studio des abeilles, et je ne veux pas les réveiller à cette heure-là. Parce que quand même, c'est assez tard. Et donc, il y a un Tascam, c'est intéressant, puis j'avais un Shure SM58, micro Shure SM58 qui traînait là, dans ma garde-robe en haut, entièrement neuf, jamais utilisé, même pas appartenait à un curé, super, avec tout, là, la housse, machin, truc, en tout cas. Et j'ai dit, je vais lui offrir, je l'ai depuis 4 ans, je l'ai acheté dans un, vous savez, eBay, là, il y a des enchères, et il y en avait 2, et j'avais misé très peu, et si peu que les 2, OK, que je me suis procuré, coûtait moins cher qu'un seul. Fait que là, moi, j'utilise celui-là actuellement, là, mon Shure SM58 pour cette émission-là, là, ici, maintenant, en ce beau 22 avril 2024. Et il y en a un qui était dans la boîte depuis, quand je vous dis, 2-3 ans, même 4 ans. Et j'ai dit, ça va lui faire plaisir. Là, je sais pas à quel moment. Ah, c'est l'été 2023. Et là, je lui remets, content. « Hey, c'est un Shure SM58. »« Ah, ouais, OK. » J'ai dit, « Connais-tu ça? » Ben, pas vraiment. « Hein? c'est un studio d'enregistrement, tu connais pas ça. Bon. Et bon, j'étais un peu déçu, mais en plus, j'avais tout monté, mes petites enregistreuses, là, mes petits magnétophones que j'utilise pour aller soit en Europe ou quand je rencontre comme Sexy Sushi, quand je les ai vus ici. C'est toujours du Tascam. Là. J'ai plusieurs petits magnétos comme ça, portables. Moi qui est insupportable, pas vrai. Mademoiselle, je suis très supportable. Oh oui, je suis sage comme une image. Quelquefois, je pleure et je rage. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, c'est ça. Donc, je connais pas trop ça. Ah bon. Fait que là, quand je suis allé voir Fred Pellerin, dans ma tête avant, parce que moi j'ai une tête, elle est petite, là, puis moi je suis dans un semi-sous-sol. Pas éclairé, pas chauffé. Ah non, puis je chauffe pas souvent, puis j'éclaire pas souvent. Ah oui. Comme disait Philippe Léotard, je suis un monsieur frise, sans le savoir. Ah, ben oui, parce que je suis toujours pris dans mes pensées. J'ai une de mes copines, il y a quelques années, elle me disait, on dirait que tu es toujours en train de réfléchir. Je ne l'ai pas décevoir, tu sais, c'était une psychologue. Ah, elle était psychologue. Puis, je ne voulais pas aller savoir. Fait que je disais, ah, que veux-tu? Mais c'est pas vrai. Je suis là, assis. Il ne se passe rien. Des fois, une idée, puis là, je décolle. Dans cette idée-là. Ouais, je réfléchis, mais pas, tu sais ce que je veux dire, là, je réfléchis pas à la vitesse de la Terre, là, comment ça peut pivoter, puis l'Uranus, puis pourquoi le monde est sans amour, puis, non, je suis dans mes affaires abstraites, puis j'aime ça, puis je m'invente des histoires, tu sais. J'ai déjà été, j'ai déjà été le roi d'Agobert. J'ai jamais mis mes culottes à l'envers. Ah non, parce que lui, il l'avait déjà fait. Moi, je vais sortir du lot, puis je veux pas qu'on me chante, là. C'est le bon roi d'Agobert, mis tes culottes à l'envers. Non, moi, ça, là, c'est le bon roi. Puis moi, je voulais pas être le roi d'Agobert. Donc, c'est le roi d'Agobert. C'est-tu d'Agobert? Gobert. C'est le roi d'Agobert. Gobert ou d'Agobert? On va l'appeler Robert d'Agobert. Oui, c'est Renal. Oui, ben l'animateur vedette, c'est exagéré. Là, le vous êtes encore roi d'Agobert? Roi, vous êtes encore roi à l'Agobert? C'est où ça, l'Agobert? Ah, c'est votre nom. Votre prénom, votre nom? Vous êtes mêlé? Bon, j'aime ça mêler le peuple. Moi, je mêle le peuple en leur disant bonjour. Oui! Ils font des sauts. Hey, c'est toi! Je suis tellement pas. Tu sais, physiquement, là. Heureusement, je suis radiodiffusable parce que, encore là. Non, mais au niveau de la bouche, j'ai une très bonne odeur de peppermint. Mais c'est au niveau du reste. La barbe me sauve un peu la face. Parce qu'on me voit moins le visage. Et quand j'étais pas. Pileux. Quand j'étais pas pileux, j'étais piteux. J'étais piteux parce que j'étais pas pileux. Puis quand j'étais pileux, mais un petit peu plus jeune, quand j'ai fait mon premier voyage en Europe, on était à Dublin, partout, à Amsterdam, puis dans le port d'Amsterdam, il y avait des femmes, et puis il y avait des troubadours, puis il y avait des vélos, surtout des vélos. Amsterdam, c'est l'endroit où les vélos sont heureux, puis, ils fument deux, trois pas. Puis là, ils partent. Oui, ils errent, sans écouter Rance Renadienne. Parce qu'à même le mécanisme du vélo à Amsterdam, ils s'intonisent les Rance Renadienne en balado-diffusion. Et là, ça part dans tous les sens. Puis là, le maître du guidon, ou la maîtresse de la guidoune, n'est pas capable de suivre le vélo, là, parce que c'est lui qui décide. Il se laisse aller, puis là, mais il ne va jamais dans l'eau. Ah non, ça, il sait, c'est M. Prudence. Ah, M. Prudence, il freine à la bonne place, hein, au feu rouge. Mais même à Amsterdam, on arrête au feu rouge. Puis, hey, au quartier, c'est un anglicisme, excusez-moi, mais ça n'a pas été francisé, parce que c'est... Amsterdam, le quartier Red Light. Hein? C'est tellement Red Light que les vélos s'arrêtent. Lumière rouge. Puis là, c'est le quartier ou les pauvres féministes qui travaillent depuis des années à ce que la femme ne soit pas un objet. Je vous comprends, je suis avec vous, j'ai ma carte là, des féministes anonymes. Pourquoi anonyme? Parce que je me suis dit, un gars féministe, il y en a. Est-ce qu'il y en a à Québec ou au Québec? Ben oui, il y en a. Bon, ça n'a rien à voir avec les hommes roses en passant. Hein? Rose et féministe, là, c'est deux choses. Ah oh, oui, puis tu peux être rose sans être féministe, puis tu peux être féministe sans être rose. Mais le quartier Red Light, il est Red Light. Ça veut dire qu'il y a de la prostitution, mais dans des vitrines. Fait que tu choisis ta prostituée. Bon, c'est pas comme les bars au Québec. C'est tamisé, tu vois pas clair. Le gars veut une prostituée. Moi, bon, écoutez, c'est légitime. Je ne suis pas là pour juger personne. Bon, moi, j'ai jamais fait affaire avec ces jeunes filles-là. Puis j'ai un grand respect. J'en connais plein de prostituées. J'ai travaillé pendant des années dans ce quartier-là et j'en connais et j'en vois souvent et j'en revois. Et il y a des gens qui sont sortis de ce milieu-là. Je vous l'ai déjà. Je sais. Arrêtez de me le dire là-bas. Et qu'est-ce que vous voulez dire, l'insignifiant, donc? Et puis, quartier Red Light. Puis là, moi, j'étais. Un peu comme mon coloc de l'époque, on était en train d'examiner, tu sais. On faisait, tu sais, veut dire ce qu'on faisait? On regardait. Donc, il y avait un homme, à un moment donné, qui est rentré, parce qu'il y a comme des petites portes, là, rentré dans la petite porte pour parler avec la prostituée avant, tu sais, pour, en fait, savoir comment ça coûte, puis qu'est-ce que lui veut, puis si elle est capable de faire ça. Puis si elle veut faire ça, pas capable, c'est, elle est capable de tout faire. Mais ça, elle a aussi des freins, hein, quelquefois. Elle veut pas, bon. Et là, il y a une discussion, puis hop, le bonhomme est parti. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que ce gars-là voulait? Fait que là, je m'en vais à la petite porte. J'ouvre la petite porte. Puis là, je dis, l'homme là, qui était là, excuse me? J'ai dit, l'homme qui était là, no speak French. Oh, vous savez que je parle français? Oh, c'est merveilleux. Pourquoi c'est mon accent? OK. Alors, on n'est pas là pour communiquer, là. T'sais, vous savez que... Non, mais moi, je ne suis pas ici pour vous acheter, pour acheter vos excellents services, je suis sûr. Vous êtes une professionnelle. Pour ça, moi, j'aime bien aller voir les professionnels. Tu sais, les amateurs, là, oh, non. Quand t'as envie, là, tu fais attention. Puis encore, là, je crois qu'il y a des amateurs qui font aussi bien que les professionnels. Et puis, non, moi, je suis un amateur puisque je n'ai jamais payé pour ça et je ne payerai jamais. Donc, mais vous êtes, continuez votre excellent travail. Là, me regardez, on ne comprenait pas. Et donc, on examinait ce qui se passait. Les gens en vélo, c'est beau. Tu sais, c'est comme une toile. Pas une toile d'araignée, là, une toile, une peinture, une toile. Bon, c'était. On s'imbibait de l'endroit. Quand on s'est rendu dans un bar, je ne sais pas comment on appelle ça, faudrait que j'appelle Eric, mais ça fait longtemps que j'ai pas appelé Eric. Ah oui. Bon, ben oui. Bon, non, on n'est pas en chicane, mais on se parle plus pour un événement. Il y a des affaires de même. Hein, l'amitié, on était. Moi, c'était mon. Premièrement, j'ai juste un ami, c'est lui. Mais je pense qu'on n'est plus amis, donc. C'était un ex-ami. Je ne sais pas si on peut parler d'ex-ami, là, mais. Si vous le connaissez, là, bon. J'ai envoyé un petit message à un moment donné pour lui dire que j'allais rencontrer la tête dirigeante du groupe Noir Désir. Ça sera diffusé, là. Ouais. Ça a déjà été, ça va être. Et puis, je sais pas, je suis tout mêlé, là. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir. Dormir. Pour un insomniaque. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait soir à soir? De ce que t'as l'air, même si c'est pas français à soi, tu marches en arrière de moi, je regarde devant toi. Rythme de mes fantaisies. Je vous ai raconté ma vie en rêve ou en réalité. Ce soir, ce n'est pas que la vérité. Mets-moi, mets-moi, mets-moi, je ne suis qu'un passager de la vie. Oui, madame, oui. On va continuer l'histoire, oui, mais oui. Oui, le copain de ma filleule. Bon, oui, on suit. Oui, je sais, des fois, c'est normal. On appelle ça du dérapage intellectuel ou du dérapage narratif. C'est similaire, pour ne pas dire semblable, pour ne pas dire similaire, pour ne pas dire semblable. Et non, non, c'est similaire. Ben oui, mais c'est semblable aussi. Puis c'est semblable tout en étant similaire. Similaire ne savait pas que c'était semblable, il vient de l'apprendre. Parce que c'était pareil. Pareil, similaire, semblable. Tous les trois ensemble ont marché vers l'horizon perdu de la nouveauté intellectuelle. Ils ont trouvé que des miettes. Que des miettes jonchées sur le sol. Un peu comme des bombes antipersonnelles. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Non, c'est qui avait. Qui avait peur? C'est les gens qui marchaient. Ils avaient. Non, mais je vous mets dans le. Non, ah, écoutez, vous êtes dans le bain, vous là. Non, non, mais mettez pas de rasoir, hein? Vous allez finir comme. Oui, le pédophile. Le chanteur pédophile. N'écoute plus, moi, ne plus. Ah, il m'énerve. Parce que il faut pas lire pas des biographies. Moi, c'est des comédiens, des comédiennes qui parlent de ces artistes-là. Claude, Van désir de faire de rien, Van désir du quotidien, Van il y avait une revue porno, lui. Oui, je vous le jure, c'est vrai. Oui, vous prenez des filles, heureusement, là. Mais quoique, j'ai rien contre les. Non, non, les messieurs tout nus. Non, si vous êtes tout nus, c'est normal. Prendre une douche tout nus, c'est normal. Reconnaissez-vous? La terre, la femme, la... Bon. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire, dont les signifiants? Oh, c'était une belle improvisation. Là, on s'est perdu. On s'est perdu en route. Il faudrait réécouter. Mais Madame Thibodeau ne suit même pas les. Ouais, la cassette. Tournez la cassette. Ouais, comme disait Philippe Léotard, Rewind, je ne plais plus, je te plais plus. Je veux pas, je te Rewind. Ça serait plaisant d'écouter, hein? J'allais balancer quelque chose qui se disait, c'est le fun. Parce qu'au Québec, on dit c'est le fun. C'est le fun parce que c'est plaisant. Mais même, ça a été même adopté par ailleurs dans la francophonie. Oui, je change. Quand t'es fatigué, mon Renal, les mots se chevauchent. Pas juste les mots. Oh, hey, toi, là, reste tranquille. Fait que là, en parlant de musique, Fred Pellerin, mais c'était pas juste de la musique. C'était aussi des. Bon, j'ai eu une discussion avec le copain de ma filleule. Parce que, est-ce que c'est un humoriste ou un conteur? Puis un conteur, est-ce que c'est un humoriste? Bonne question. Yvon Deschamps, est-ce que c'est un conteur ou un humoriste? Selon lui, ben pas Yvon Deschamps, mais selon le copain de ma filleule, je sais qu'il y a un nom, mais je ne veux pas le nommer, je ne veux pas le déranger. Là. Je ne veux pas le déranger. Je sais qu'il est au courant. Ah, pour les gens qui savent, il est au courant. Ça, non, je sais, c'est une blague, mais juste entre personnes qui connaissent le jeune homme. Le jeune homme, à cet âge-là, c'est plus un jeune homme. Mais, well done. Ça pourrait être mon. Il pourrait être mon père. Je ne sais pas quel âge, je dois avoir 30 ans. C'est un trentenaire. Moi, je suis un quoi? Ah, moi, je suis un sédentaire. Un sédentaire, puis je suis tellement sédentaire que je veux tout enlever de mon corps. Fait que le sédentaire enlève son dentier pour le plonger dans l'obscurité afin de le nettoyer et de se le remettre en bouche avec des nouveaux mots, des nouvelles paroles, des intersections, hein? Intersection. Non, ça fonctionne pas, je sais. Des interdictions. Non, mais avec des élocutions à la Duras. Un pseudo-intellectuel à travers les branches. Pas juste à travers les branches. Hey, moi, j'ai déjà entendu dire. J'ai juste entendu dire, j'ai pas vu. Quand tu dis entendu dire, là, il n'y a pas de visuel là-dedans. C'est de l'auditif. Ben, en parlant d'auditif, là, je vous ai parlé la semaine dernière que j'avais un bouchon sur le bout de la langue, puis qui me fait bégayer. Pas juste un bouchon, là. Moi, j'ai toute la panoplie. J'ai l'orchestre symphonique de Beauport. Beauport. Pas Beauport à Amsterdam, là. Beauport à Québec, là, capitale nationale. Avez-vous entendu l'orchestration de Beauport? Au Beauport, on s'en va avec amour à travers les sentiers mal dirigés. Merci, monsieur. Alors, on demande au nouveau chanteur, Didier Lamasse. Didier Lamasse est-il dans la salle? Didier Lamasse, oui. Ah, oh, monsieur Didier Lamasse. J'arrive. Alors, j'arrive. Didier Lamasse, comment allez-vous? Ah, oh, je sale pas, moi. Je poivre. OK, comment poivrez-vous? Ah, oh, je poivre très bien. Ah, choum, je poivre très bien. Ah, choum. Bon. Est-ce que vous avez le disque qui colle? Non, j'ai le disque qui saute. Qui saute du 33 au 45 en passant par le 78. Là, je suis devenu un autre personnage parce que j'ai pas le don, tu sais, l'imitation, ça va, mais des personnages, on dirait que c'est le même personnage dans toutes mes impros, mais c'est pas grave, c'est tellement pas. Ah, mais le monde n'a pas payé, ils ont payé pour être membre de CKRL, c'est extraordinaire, pour 25$, toi, là. Si t'es pas membre, toi, non, je te parle juste à toi. T'écoutes l'émission, t'écoutes des émissions comme ça, CKRL, puis t'es pas membre. Tu te sens pas mal à l'aise, tu te sens pas mal à l'aise. À ta place, oui. Hey, pour 25$, mon jeune, mon fou, hein, mon jeune fou, mon interdissant adolescent. Non, t'es pas juste adolescent, là. Il y en a de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Si t'as 100 ans, c'est merveilleux, t'as encore l'idée d'aller plus loin dans tes pensées. Rien n'est déterminé. Les deux sont ensemble, ça s'embrasse, ça se cajole, tu sais, ça fait des unions, puis à quelque part, on se demande qu'est-ce que ça donne. Ça donne le choix d'aller dans d'autres avenues sans trop prendre les sentiers déjà préparés d'avance, tu sais. Du préfabriqué, il y en a partout, il y en a. Puis si tu crois, il y a des musiciens qui me disaient, il y a un musicien qui me disait, à un moment donné, j'ai travaillé pendant une nuit, tu sais, j'ai commencé le soir, là, puis j'avais acheté une bonne bouteille, puis je la descendais tranquillement, mais en jouant du piano, puis j'avais quelque chose, puis je me disais, c'est bon ce que je fais, tu sais. Puis c'est pas parce que normalement, je valorise pas mon travail, mais tu sais, j'avais. Puis j'ai joué pendant toute la nuit, puis à la fin, j'étais arrivé à quelque chose, puis je me suis rendu compte, aux petites heures du matin, que c'était même pas de moi. Que tout ça, tu sais, on sait pas, tu sais, ça nous a. Pendant toute une vie, c'était Gainsbourg. C'était la javanaise. Il pensait qu'il avait inventé une nouvelle affaire, mais il s'est rendu compte plus tard que c'était déjà fait. Non, mais c'est incroyable. C'est ça la création, hein, tu sais. Tout est fait en plus, tu sais. Un film d'amour, comme toi qui es réalisateur, tu veux en faire un. Film d'amour. Tout habillé, là, pas. Non, tout habillé. Voyons donc, t'as du budget. Tu veux mettre le budget sur le pas, l'habillement, mais les dialogues. C'est pas. Le dialogue. Ah, que se passe-t-il dans notre vie, chérie, depuis 2 ans? Où sommes-nous? Nous sommes dans des sentiers un peu étranges. Ben oui, depuis que tu me rends compte, depuis qu'on s'est rencontrés, je suis la tête dirigeante. Le tétard fait tard. Oui, c'est peut-être ça le problème, chérie. Que doit-on faire? Quitter ou poursuivre? Ah, mon Dieu. Attends un petit peu, là, je vais prendre mes renseignements. Parce que là, il y a comme une recherche là, sur l'identité de 1, la recherche du langage. Parce que, t'as-tu remarqué que là, on était bien? Hein, on était dans le classique, puis là, on est descendu dans le populaire. Bon, non, attends, on n'est pas descendu dans le populaire. On a glissé dans le populaire parce qu'on ne descend pas dans le populaire. Le populaire, c'est pas plus bas que le bourgeois. Non. Jamais. C'est pas dans la verticale, c'est dans l'horizontale. Tout est dans l'horizontale. Alors, faut pas voir la langue comme une langue élitiste, une langue populaire. Parce que c'est certain que lorsqu'on ouvre des coffres intellectuels qui se cachent peut-être dans l'élitisme et même dans le... Comment on peut dire ça? Dans des précisions. Exemple, si deux cardiologues discutent ensemble, tu ne comprendras rien. Bon. Si deux professeurs de littérature discutent entre eux, tu peux comprendre des petites choses, là, mais il y a des... La grammaire va nous manquer. Puis comme disait ma grand-mère, même si on ne comprend pas, on peut continuer la discussion, parce que quand même, on a la parlotte. Oh, Vous écoutez CKRL le 89.1 à Québec. À l'émission, vous êtes à l'émission Errance Reynaldienne, réanimée par Reynald Gagné. Il y a quelque temps, pas si longtemps, je me suis procuré le coffret, tu sais, le coffret. Mais je vais vous en parler plus tard, c'est vrai, parce que non, ça va aller, oui. Je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, la la la la. Et puis, Fred Pellerin, oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais parler? Est-ce que vous avez suivi l'histoire depuis le début? Bababibubu, la luliloulu, non, hein, bon, ok. Alors, je suis allé voir Fred Pellerin et je devais inviter ma soeur. Ma soeur ne pouvait pas parce qu'elle travaillait le lendemain très tôt. Donc, elle a choisi l'amoureux de ma filleule. Et puis, lui, je le connais depuis quand même quelques années, mais j'ai pas vraiment discuté avec lui, tu sais. Et bon, moi, pour bien débuter un spectacle, faut aller manger un bon steak dans un restaurant. Et mon restaurant, mon pub, c'est sur la rue Saint-Jean, et puis steak frites, bleu, s'il vous plaît. Pas le mur, là, c'est le steak bleu. Tu le peintures pas, là. Pas plus que saignant, là. Tu le tournes, fini, tu le mets dans le poêle. Puis là, avec de la bonne salade, des petites frites, puis c'est bon, là, je me rajoute du ketchup sur les frites. Oh, je mange tout, puis je prends une petite bière. Petite bière québécoise, là, bah oui. Anciennement, Robert Charlebois, bah oui. Même si ça a été vendu, ben non, quelle horreur. Ah, mon Dieu, l'horreur est sur cette terre. Ah! Et puis, donc... Mais là, avant, tu sais, ça faisait une semaine que je savais que j'allais prendre, aller voir le spectacle avec ce monsieur. Je me suis dit, de quoi je vais parler? Mais dites-vous une chose. Ce merveilleux Peter Loft, parce qu'il s'appelle Peter Loft, c'est son surnom d'artiste, ce Peter Loft, malheureusement, s'est pété les oreilles parce que j'ai parlé tout le temps, sans le savoir. Tout le temps de plein de choses, et puis il en a poussé 2-3, mais très, très rapide, parce que je le coupais pour continuer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en pleine forme. J'étais, là, tu sais, comme devant une radio, devant un micro de radio, et puis j'étais fabuleux, vraiment, là, sur la côte. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré. Moi, normalement, j'enregistre trou. Hein? Oui, j'enregistre trou. Trou dans le trou. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que j'enregistre tout. Oui, pourquoi j'ai mis un R? C'était juste pour... c'était inconscient. Mais j'ai l'inconscient très conscient. Tellement conscient que cette chanson-là va jouer. Puis après ça, je vais vous présenter le coffret que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps. Et puis voilà. Mais, on m'a dit que l'inconscient... va plus vite que l'inconscient, c'est-à-dire que je vais vous parler du disque que je me suis acheté. Peux-tu sortir un quart, s'il vous plaît? Bon. J'adore me procurer dans des aubaineries à Québec. Il y en a une que je préfère. Je ne la nommerai pas, je n'ai pas le droit de faire de publicité. Et puis, je suis tombé sur le coffret, l'intégrale, toutes les chansons d'Édith Piaf. Pour 3 fois rien, dans un beau coffret qui s'appelle quoi, la robe en noir, la robe en rouge, la robe en piaf, quelque chose de genre. La vie en piaf. Bon, la vie. Merci. Hey, Edith. Orchestre et chœur. Oui. Sous la direction de Robert Chauvigny. Ah. À la guitare, Jacques Liébrard. Bravo. À l'accordéon, merci. Marc Bonnel. Mademoiselle. Un simple nom. Et oui. Dans ce nom. Toute la chanson. Ah, oh, toute Voici. La chanson, oui, toute la chanson. Mais c'est ça, elle a raison, toute la chanson. Et je veux juste vous offrir, parce que là, nous sommes à l'aube du printemps. Le printemps, est-ce que le printemps est pogné? C'est quoi donc, décembre, janvier, février, mars? Mars, avril. Ah oui, le printemps est pogné. Le printemps est pogné. Donc, j'ai une chanson de cette... incroyable interprète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la sixième, qui s'appelle, mais ça, il faut avoir le titre dans le... Hein? C'est « Enfin le printemps ». Alors voici mon incontournable Edith Piaf. De René Rousseau et Marguerite Monneau, « Enfin le printemps ».« Enfin le printemps », vas-y, dis. « Enfin le printemps ». C'est le printemps, il est temps, c'est le printemps. Sors la vache, tire les bœufs. Le printemps fait ce qu'il veut. De René Rousseau et Marguerite Monneau, enfin le printemps. Enfin le printemps, ma Gaétane. Sors le ruisseau, rentre la chèvre, tu verras, tout est dans les bons. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, voilà. La voilà, le printemps tout fleuri de lilas qui réplique en dansant la java. Le voilà, ce voyou au son de l'accordéon qui court le guilledou en poussant la chanson. Entend comme sa chahute dans tous les palpitants, l'hiver se tire des flûtes en diabète de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai choisi pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe en écoutant tinter les muguets. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras, depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe. Le voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java. Il y a la foule dans l'air nu qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes et je t'aime éperdument, et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux, le voltige dans du bleu. Je vois doubler, c'est mieux, vise mon cœur tout là-haut, qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux. Mon amour, il fout le camp. Enfin le printemps. Bon, merci. Merci. Pour les gens qui adorent Édith Piaf, ils veulent entendre la chanson. Hein? Mais là, je ne suis pas certain que ce soit celle-là. Attendez. De Michel Aimer, l'accordéoniste. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. OK, c'est peut-être celle-là. De Michel Beaucaire et Charles Dumont, les flonflons du bal. Non plus. Attendez, les flonflons du bal. Alors, il y a les flonflons du bal. Les flonflons du bal. Attendez un peu. Ah, oh, tout est mon Dieu, le vieux Lucien. Ah, l'accordéon. OK, OK, OK, OK. Alors, il faut que je descende de quoi? 1, 2, 3. OK, 1, 2, 3. C'est comme une danse, hein? 1, 1, 2. Ça devrait être celle-là, mais je ne suis pas sûr. D'Henri Comté et de qui déjà? Oui, de Norbert Glanzberg, Padam. Non, ce n'est pas celle-là. OK, mais celle. Moi, ouais, hein? On va examiner ensemble, OK? Est-ce que c'est celle-là ou celle-là? De Marguerite Monod, Hymne à l'amour. Ouais. Quel vous voulez? L'hymne à l'amour ou Padam, Padam, Padam? D'Henri Comté et de qui déjà? Oui, de Norbert Glanzberg, Padam. Padam. Ah, écoutez, moi j'ai décidé Padam, Padam, Padam. Alors Édith Piaf, voici son incontournable. Padam, Padam, Padam. À toi l'artiste. D'Henri Comté. Et de qui déjà? Oui, de Norbert Glanzberg, Padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix pour ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes toute la comédie des amours sur cette air qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur. Aujourd'hui, je reçois deux troubadours, Ricky de la Butte et Justine Jérémy, deux créateurs, auteurs, compositeurs, interprètes. Alors, à vous, mes amis, Kiri de la Butte et Justine Jérémy. Hélas, que faire par ce temps gris, automne ? C'est vrai qu'on s'embête à Paris, l'automne. Le ciel a mis son vêtement d'arsouille, son habit gris au parement de rouille. Et l'ennui louple du ciel gris en masse. Que voulez-vous les nerfs ainsi qu'on fasse? Dans le café sous ce plafond gris sale, l'ennui même des carafons s'exhale. Comme une fleur de lys d'eau, la fleur de notre amour se penche. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et mon cœur tombe en avalanche. Et mon cœur tombe en avalanche. Cupidon a refermé ses rideaux. Plus question pour lui de faire des cadeaux. Et la vie me paraît si grise, si blême. Peut-être vais-je devenir grise moi-même. Un jour le ciel sera teinté de joie. L'azur retrouvera ses reflets de soie. Ce cœur dont un jour tu m'as fait cadeau sera plus jamais un fardeau. Comme une fleur de lys d'eau, la fleur de notre amour se penche. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et mon cœur tombe en avalanche. Et mon cœur tombe en avalanche. Hélas, que faire par ce temps gris, automne. C'est vrai qu'on s'embête à Paris, l'automne. Le ciel a mis son vêtement d'arsouille, son habit gris au parement de rouille. Et l'ennui louple du ciel gris en masse. Que voulez-vous les nerfs ainsi qu'on fasse? Dans le café sous ce plafond gris sale, l'ennui même des carafons s'exhale. Comme une fleur de lys d'eau, la fleur de notre amour se penche. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et mon cœur tombe en avalanche. Et mon cœur tombe en avalanche. Salut Renat. Oh, salut Ricky. Comment ça va? Oh, Justine, bonjour. Salut Renat. Ah, c'est vrai, aujourd'hui on est... Oui, non, vrai. C'est vrai, c'est vrai. Salut, bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, super. C'est ton fils? C'est mon fils, oui. Oh, allô? Alban. Allô, Albon. OK. Mais là, je pense qu'on va, on devrait se passer ailleurs, hein, parce que... Oui, c'est un peu petit, là, oui. Mais la jeune fille m'a dit qu'on pouvait rajouter un banc, mais je sais pas si on peut en mettre un... Bah, pas dans... Oui, ou on déplace... Sinon, on va à l'intérieur, comme vous voulez. Voilà, moi, je préfère l'extérieur. Tu préfères, ouais, oui, moi aussi. Ouais, plus, ouais. Ah, bah, et ouais, puis, okay, en plus, toi, tu, oui, as besoin du bruit. Oui, bah, j'aime bien. Oui, c'est ça. En fait, toujours, j'ai remis mes lunettes. Et je crois que si on en place un ici, un ici. Oui, ça va. On ne dérangera pas personne. Ouais. Et on peut. Attends, on peut déplacer les chaises. Oui, hein. Bien, bon. Mets-toi. Et puis les chaises ici. Voilà. Bon. Ouais, mais on est quatre. Ah ouais. Attendez, je vous ramène, ouais, les chaises, monsieur. On évite de prendre tout sur ma terrasse. On vous amène ça, vous êtes. Merci, voilà, c'est gentil. On est quatre. Ah bah voilà. Ah, parfait. Ah oui, d'accord. On ramène la deuxième. Merci, merci, merci, merci. Et voilà. Et voilà. Bon, tu peux t'asseoir avec qui, moi je vais attendre. Ah, c'est... Oh, c'est beau, hein. Les bonnettes. C'est bon. Alors, Ricky, comment ça va? Ah ben, ça va. Justine me demandait, t'es sûr qu'il a bien l'accent québécois? Oui, oui, oui. Ben, ouais. Ça vient avec le gars, hein, ça vient avec le mec. Oui, oui, j'ai vraiment l'accent québécois. Oui. Chouette. Alors, tu peux valider? Oui. Mais bon, tu l'as bien prononcé, mais on comprend parfaitement. Ben oui. Bah oui, ben c'est... Oui, non, je pensais que parfois, il y a presque plus de difficultés à se comprendre avec le vocabulaire. Ou... Plus maintenant? Non. Ben, avec la musique, avec Internet, tout le monde sait. Oui. Ah oui. Ça unifie un peu, ben oui, la langue. Ben, oui, mais c'est sûr qu'on a des termes. Mais... Tu as vu ce film, je suppose, le déclin de l'Empire américain? Ben oui. Et donc c'est uniquement tourné avec des Québécois? Non, il y a un Français. Ah, il y a un Français peut-être. Boris Bergman. Ah oui, je ne sais plus. Bon. Celui qui écrit pour Bachoun. Ah, ouais. D'accord. Et donc, quand ils discutent entre eux, ils ont été obligés de sous-titrer le ça, film c'est... en français pour qu'on comprenne. Mais non, parce qu'il y a la moitié des dialogues qui échappent. Moi, mais je suis contre. Ah ouais. Ben oui. Ben oui. Ouais, mais là, en tout cas, il n'y a aucune... Ah non, il n'y a aucun problème. Okay. C'est certain que j'utiliserai pas des expressions qui pourraient être typiquement québécois. Mais on peut rester français international en gardant l'accent, au lieu de faire comme certains Québécois en France qui se travestissent pour être mieux appréciés. On peut en nommer. Les seuls que... Qui reste avec l'accent québécois, c'est Diane Dufresne, Robert Charlebois. Ah, quand tu entends Rock Voisine, il prend l'accent français. Si tu prends Laura Fabian, ben, c'est une Belge, donc elle a raison. Linda Lemay. Linda Lemay, j'adore. Elle prend l'accent. Oui. Elle prend l'accent? Oui, un peu, oui. Oui, oui, oui. Richard Desjardins? Ah, pas du tout. Ah non, comme Fred Pellerin. Est-ce que tu connais Fred Pellerin? Non, lui non. Qui est un conteur. Uh-huh. Il reste dans un petit coin du Québec que personne ne connaissait avant son arrivée. C'est Saint-Élie de Caxton. Uh-huh. Une petite région là au Québec. Et donc, ils ont la parlure traditionnelle. Uh-huh. Et voilà, ça reste avec une couleur. C'est adorable. Oui, mais puis en plus, il a un succès fou ici à Paris, en France. Ben, je vais aller écouter ça, ce conteur. Oui, Fred Pellerin, il fait aussi des chansons et surtout des monologues. Mmh. Ouais. Il est seul sur scène. Fred Pellerin. Fred Pellerin. P-E-2-L-E-R-I-N. Oui, exactement. Ouais, un pèlerin. Ben, j'irai écouter ça. Je sais, je te l'ai déjà dit hier. Et avant-hier aussi, ça se peut. J'appelle demain, c'était sincère. Je l'ai pas fait et je m'en veux. Là, c'est pas des paroles en l'air. Elles s'accompagnent de tous mes voeux. Je pense à toi en ce moment même. Mais je t'appelle demain dans l'après-midi. Je t'appelle demain dans l'après-midi. Tu dis que le plus beau cadeau que l'on peut faire à ceux qu'on aime, c'est le temps qu'on passe avec eux. C'est un luxe qui coûte pas cher. Mais tout le temps où je suis pas là, c'est que du temps où je pense à toi. Qu'est-ce que t'en dis de toutes ces heures? Est-ce que ça compte pour du beurre? ça compte pour du beurre. Je sais, je te l'ai déjà dit hier. Et avant-hier aussi, ça se peut. J'appellerai demain et j'espère que je saurai te dire un peu. Te dire un peu jusque ça. Qu'aujourd'hui j'ai eu très froid. Le gros Lulu a été sympa avec tout le monde sauf avec moi. Que j'ai cassé la fermeture du blouson que tu m'as offert. Alors parfois je préfère me taire. Alors parfois je préfère me taire. Je sais, je te l'ai déjà dit hier. Et avant-hier aussi ça se peut. J'appellerai demain et j'espère que je saurai te dire un peu. Te dire un peu combien je t'aime. Te dire un peu combien je t'aime. Bah je t'appelle demain dans l'après-midi. Je t'appelle demain dans l'après-midi. Je t'appelle demain dans l'après-midi. Je t'appelle demain. Dans l'après-midi. Et on dit que l'accent québécois, c'est l'accent français du ancien siècle. Oui. Bah oui. De Louis IV. Louis XIV. C'est ça. Comme ça, comme ça. Oui, effectivement. Comme les gens du Nord, comme les ch'tis. Le roi. Ah oui, comme c'est vrai ça. Ah oui. Comme un peu aussi. Comment ça se fait? Enfin, pour le Québec, c'est parce qu'ils sont arrivés de là. Ben nous on s'est fait... Ça conserve des petits archaïsmes, c'est ça? Oui, c'est un phénomène linguistique bien connu. C'est-à-dire que quand tu as une communauté qui s'expatrie comme ça, elle a tendance à garder des vieilles formes qui vont disparaître dans le pays d'origine, quoi. Effectivement, oui. Ouais. Et puis nous, ben, on s'est fait endoctriner deux fois par les Anglais... Non, trois fois, par les Anglais, par les Français et... Non, deux fois, français et anglais et français. Mm-hmm. Donc après, ben, on a essayé de se démerder dans un monde anglophone avec très peu de francophones. C'est pour ça que vous êtes bien défendu. Hein? Ben, pas tout à fait, parce qu'on veut rester autonome. Donc on veut avoir un pays qui s'appelle le Québec en dehors du Canada, parce qu'on est francophone. Et voilà. Et tous les Québécois, enfin, c'est une majorité de Québécois qui l'indépendance du Québec? Plus maintenant. Avant, oui, mais depuis plusieurs années, ben, on a accueilli beaucoup de personnes et ces gens-là se sentent beaucoup plus canadiens que québécois parce qu'ils ont le passeport canadien. Oh. Mais... Et toi, tu as le passeport canadien parce qu'il n'y a pas de passeport québécois. Parce qu'on n'est pas encore autonome. Mais vous le serez, je crois? On le croyait en 77, on le croyait en 90, et puis on le croit de moins en moins. Mais le problème, c'est qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on paye deux taxes, la provinciale et la fédérale. On est, au Québec, les gens les plus surtaxés. Et les Canadiens anglo-saxons, ils ont deux taxes aussi? Non, uniquement le fédéral. Ah ben, c'est pas juste. Ah ben non, c'est pas juste. Ben c'est pas juste. C'est pour ça. Ben non, c'est pas juste. Ben non, c'est pour ça. Et puis... Vive le Québec, libre! Libre! On l'a ramené aussi directement en France parce qu'il avait fait une bourde en disant ça. Oui, oui, ben donc bien on, sûr, ça a fait. Il avait fait une boulette. Oui, il avait fait exprès de la faire, la boulette. Bien sûr. Oui. Ben, général, puis je l'appelle le général Le Drôle. mais alors, l'intérêt de ce gars-là, c'est que il était pris dans une foule où les Québécois le réclamaient, donc il a sorti cette boutade extraordinaire. Et c'est ça la différence, c'est que si tu demandes à un Canadien anglais de lui nommer trois chanteurs, trois groupes québécois, il sera incapable, trois chanteuses. Tandis que nous, on peut nommer des artistes canadiens anglais. Donc la culture québécoise envers les Anglais, est méprisable, tandis que nous, ben, on a quand même une alors qu'en France, nous, on vous adore. Hein. Ben, ouais, on à est cause fans de la ouais. chanson québécoise. Ouais. Non, puis même des auteurs et tout ça. Ouais. Mais une chose étrange, c'est qu'il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses québécoises qui sont connus uniquement ici. Et qui ah sont ouais? pas connus. C'est pas vrai? Oui, il y en a beaucoup. travailleuse indépendante, là, il est indépendant. Mais là, on va parler de vous. Je vous ai oui. pas dit qu'on parlait du Québec. Mais absolument, voilà. Mais non, mais non, mais non. Alors, avant tout, Ricky, toi, t'étais... Tu enregistres, là? Ben oui, depuis le début. Depuis le début? Ah, je perds absolument rien. Je perds absolument rien. Non, non, non. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors... Salut, toi. Salut. Bon, qu'est-ce moi... que tu veux boire? Moi, pour commencer, je vais prendre un chardonnay, là. Alors, un verre de chardonnay. Voilà. Et moi, je vais prendre une pression. 16 grimes. 16. Ou de la panthère. Là, une 16. Moi, je vais prendre un jus de fraise. Jus de fraise. S'il vous plaît. Et une grenadine, s'il vous plaît. Une telle grenadine. Oui. Ça marche. 16, on a dit. Oui. Et donc, toi, Ricky, t'es à Montmartre depuis le début. T'es né... Non, la butte aux cailles, nous. OK. Tu connais la butte aux cailles, ben non? Oui. Oh, oui. Ben oui. Bah oui, nous, on est de la butte aux cailles. OK. Et mais on n'est pas raciste, comme il dit souvent. Non, non, non. On est ouvert à tout. On a des liens fraternels avec la butte Montmartre aussi. Ben oui, ben oui. C'est pas si loin. Ah bah c'est une heure de métro hein, quand même. Ok. Ouais ouais, là on a mis une heure hein, pour venir. Hein. Oh, on est à l'heure mais... On a monté les 181 marches. Oh. Parce que la butte aux cailles est beaucoup plus petite quand même. Ok. Ok. Avec ton petit air effronté qui sent l'amour et la santé, qui te donne un air de te foutre du monde, ta tête nue et tes beaux couleurs blondes. Ah oui, c'est sûr, t'es plus pareil. Tu fais soleil. Tu fais soleil. Ce que t'as depuis quelque temps, c'est sans doute l'effet du printemps. Je suis pas la seule à le remarquer. Y a quelque chose en toi qui a changé. Ah oui, c'est sûr, t'es plus pareil. Tu fais soleil. Tu fais soleil. Dis, tu veux-tu être mon petit gars? Je te défendrai, je te battrai pas. Et puis si un jour on se dispute, jamais je te dirai choléra. Fumier, poison, comme on s'appelle. Quand on s'aime plus. Quand on s'aime plus. Viens, descendons dans. Donne-moi ta main, je veux pas glisser. Cherchons un petit coin pour s'asseoir. Avec un buisson pour se cacher. On pourra camper jusqu'au soir. Personne ne viendra nous chercher. Personne ne viendra nous chercher. Avec ton petit air effronté qui sent l'amour. Et la santé qui te donne un air de te foutre du monde. Ta tête nue et tes beaux couleurs blondes. Ah oui, c'est sûr, t'es plus pareil. Tu fais soleil. Tu fais soleil. Tu fais soleil. Tu fais soleil. Tu fais soleil. Tu fais soleil. Escalier de la butte, ben oui, ben oui. Sans dire aux misères. Et qu'est-ce qui t'a accroché à cet endroit-là? Qu'est-ce qui t'a permis de dire je veux rester où? À la butte aux cailles? Oui. Bah, parce que j'y suis depuis très longtemps. Moi, je suis arrivé à Paris en 1974. Okay. Et j'étais étudiant au lycée Henri IV, là, au quartier latin. Et puis, bah, comme tous les étudiants, on sortait pas mal le soir, si tu veux. On faisait la fête, on faisait la bringue. Et souvent, on allait jusqu'à la butte aux cailles, comme ça, parce qu'il y avait des bistrots très, très pas chers, très sympas, très populaires. Et on chantait là-dedans. Et puis, voilà, ça... Et c'est là que la flamme a commencé. Voilà. Enfin, j'avais déjà commencé avant. Hein. J'ai toujours chanté, moi, depuis que je suis enfant, quoi. J'ai appris à chanter en même temps que j'apprenais à parler, en quelque sorte. Comme plusieurs années. Mais là, j'ai trouvé un endroit très favorable, quoi. Ah, ouais, ouais. Voilà. Et alors bon, l'ennui, c'est que dans les années 70, ça restait un quartier très populaire encore, la Butte aux Cailles. Et puis, bah, il s'est passé la même chose qu'ici, c'est-à-dire que les bourgeois ont trouvé que c'était super sympa comme quartier, donc ils ont acheté les appartements, donc ça fait flamber l'immobilier. Ouais. Et actuellement, bah, c'est comme ici, c'est un des quartiers les plus chers de Paris, hein, tout simplement. Tout simplement, c'est-à-dire 10 000 euros le mètre carré. Quoi. Et le cachet a changé malheureusement. L'environnement a changé, les gens ont changé. Et un alors, de chansons, parce que tu as les riverains qui voilà, se plaignent bon, du bruit. Donc ouais. Les bobos. Il y a un peu plus de problèmes pour faire de la musique, justement, à cause des voisins qui se plaignent du bruit, tout ça. Mais nous, on essaye de relancer ça, justement, parce qu'on a deux atouts. D'abord, on n'est que deux. Ouais. Pas de sono. Ouais. On ne chante jamais avec une sono. Et le deal avec les voisins, c'est qu'on arrête à 11h du soir. Okay. Donc on fait venir les gens à 7h, et puis voilà, ça suffit largement. Ah ouais. Tout le monde est content. Ah oui, c'est vrai. Et eux ont arrêté de râler. Et eux ont arrêté de râler après avoir vu ce qu'on va. Ah bah oui, maintenant qu'on a un accord, okay. On leur dit, voilà, on fait de l'accordéon, on chante, on n'a pas de sono, et on arrête à 11h précise. Ça fait pas tellement plus de bruit que, tu sais, depuis la loi Evin, les gens qui fument dehors. Ah oui, oui, oui. Donc finalement, ça fait pas tellement plus de bruit des gens qui chantent à l'intérieur du bistrot que tous ceux qui sont dans la rue, tu vois. Et toi, tu as une formation classique, Justine? Oui, bah, disons que je chantais dans une chorale au début, tu vois, ouais. Du classique, ouais, effectivement. Bah, Ricky aussi chante dans une chorale du classique, ah ouais. Il chante du Mozart, okay. Des chants sacrés. Ah ouais. Et bah, ouais, moi, je suis native de la Butte aux Cailles, donc là, je suis comme un arbre. Alors, tu es née là, tu es enracinée. Voilà. Et depuis ce temps-là, tu veux uniquement rester là parce que bon, ça me plaît bien, ce quartier. Ouais, et puis j'y travaille aussi. Moi, je travaille au temps des cerises. Tu sais, c'est une coopérative ouvrière okay. qui est ouverte depuis 1976. Enfin, moi, j'y suis pas depuis parce que j'étais pas née. Ben mais... non, c'est ça. C'était plus compliqué. Sinon, ouais, mais donc ça se passe bien. Je travaille là-bas avec Ricky. On connaît tout le monde là-bas. On a chanté. Nous, on chante tous les premiers samedis du mois à l'auberge de la Butte. Okay. Mais on a chanté aussi dans d'autres troquets de la Butte aux Cailles, le Merle. Le moqueur, la folie en tête. On va bientôt chanter chez Christian, le café du commerce. Mais t'étais solo avant? Solo, ouais. Ouais. Bah, solo. Et puis Ricky, bon, il cherchait une accordéoniste. Et puis comme sur la Butte aux Cailles, tout le monde se connaît un peu, il a vite eu mon numéro de téléphone. Okay. Donc il m'a appelé. Puis je lui ai dit de passer chez moi. Et puis j'ai vu arriver mon petit Ricky à bretelles. Et je me suis dit, bah c'est bon, ça... Il m'a donné toute une liste, il avait déjà 5 heures de chansons en tête. Donc je lui ai dit, bah écoute, reviens la semaine prochaine, je te prépare ça. Puis on a monté notre petit tour. Distraite à ma fenêtre, je regardais nos œufs parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Et voici ce qu'ils me disent, protégeant les yeux du soleil. Moi je m'approche, dressant l'oreille. Le bonheur dure peu dans la vie. Et moi distraite à ma fenêtre, je regardais nos œufs parler. À quoi je pense? À rien peut-être. Et je regarde le temps passer. Je regarde le temps passer. Qu'il est charmant ce paysage, peu compliqué mais que veux-tu? Ce n'est qu'une marée de feuillage où s'élève un clocher pointu. Et moi distraite à ma fenêtre, je regardais nos œufs parler. À quoi je pense? À rien peut-être. Et je regarde le temps passer. Ton cœur par ma voix appelé palpite au bout de la vallée. Je reste là jusqu'à ce soir en espérant de te revoir. Et moi distraite à ma fenêtre, je regardais nos œufs parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Je regarde le temps passer. Elle s'envole, ma chanson. Dans la montagne, elle s'égare. Même si ce grand mur nous sépare, je t'attendrai jusque ce soir. Distraite à ma fenêtre, je regardais nos œufs parler. À quoi je pense? À rien peut-être. Et je regarde le temps passer. Moi distraite à ma fenêtre, je regardais nos œufs parler. À quoi je pense? À rien peut-être. Et je regarde le temps passer. Et je regarde le temps passer. Et je regarde le temps passer. Et je regarde le temps passer. Et c'est comme ça que ce groupe-là, ce duo-là. Ouais, voilà, né. Exactement. Okay. Et c'est sympa parce qu'on alterne, on n'a pas du tout le même genre de répertoire à la base. Parce que moi, je faisais pas mal de compos, des reprises aussi, mais pas les mêmes que lui. Parce qu'il a pas mal de chants révolutionnaires, des chants de la commune. Moi, que j'adore, mais que j'interprète bien moins bien que lui. Ouais. Et donc, ça fait un répertoire sympa, toi. Très varié. Pour ce qui est de ton répertoire à toi, tu l'as mis de côté? Non, je fais toujours mes compos. Puis là, je viens de sortir un album, donc ouais, je l'ai fait plus que jamais, parce que maintenant j'ai un album à vendre à la sortie. Tu l'as son album, concert. Non? Moi, je t'en ai apporté un. Et toi, est-ce que tu travailles aussi sur le fait de faire un disque, d'être... Le prochain, on le fait ensemble. Ok, mais là, actuellement, t'as rien. T'as pas de pastille, t'as pas de CD. Non, pas pour l'instant. Non. Pas encore, mais ça se travaille. Ouais, ça se travaille, et puis on a des vidéos sur YouTube déjà. Oui, ok. Et qui sont radio-diffusables. Le son est bon. Oui. Ok. Je sais pas. Ouais. C'est pas fait en studio alors. Non, mais on peut entendre des paroles. Oui. Okay. Ah, tout à fait. Okay. Oui. Parfait. Okay. Bah, je sais pas, t'as pas vu. Oui, j'en ai entendu deux, trois. Une des meilleures qu'on a faites, là, c'est Fredo, quand on l'a fait chez moi. Ah ouais, ouais. Avec Captain Simard. Ah, là. Ouais. C'était complètement improvisé. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les nouvelles paroles, parce qu'il a écrit des paroles complémentaires. Oui, évidemment. Oui, mais ça c'était avant le Covid. Donc, ah oui, mais là, les gens avaient le temps, avaient le temps de tout. Alors, ça, c'est pour moi, oui. Oh là là, belle couleur. Viola. Magnifique. Je trouve que c'est pour Renal. Magnifique, il faut vous savez. Le petit gars. Attends. Je peux pas faire ça avec les doigts. merci beaucoup. Renverse pas, parce que la bonnette, elle aime pas ça. Oh, elle en a vu. Et elle absorbe beaucoup. Voilà. Il y en a deux même. Alors toi-même, tu écris des paroles et... Non, attends. Moi, tout ce que je sais faire, c'est chanter. Okay. Je ne peux jouer d'aucun instrument parce que j'ai la maladie du viking. Ok, ouais. Qui est? C'est ça. Ok. C'est la maladie du viking qui est une maladie... Vas-y. C'est une maladie génétique. Ok. Voilà, donc c'est quand même rassurant, tu te dis que tu es pour rien. Ouais. Alors Récemment, on a découvert que c'était une maladie génétique qui venait de l'homme de Néandertal. Oh, extraordinaire. Ouais. Donc, je suis très fier d'avoir... jeune Néandertalien. D'être un vrai Néandertalien. Alors, dans ta famille, il y a plusieurs personnes. Ah oui. Okay. Ben, mon père avait exactement la même chose. Ok. Et il s'est fait opérer, ça ne servit à rien. Et moi, j'ai essayé de me faire opérer, ça ne servit à rien. Donc, une maladie qui ne touche que les hommes. Alors ça ne touche que les hommes, et comme elle est héritée de l'homme de Néandertal, cette maladie est totalement absente en Afrique, par exemple, parce que les Africains les populations africaines ne se sont pas croisées avec l'homme de Néandertal, qui était strictement européen, et elle est en particulier très répandue en Islande, d'où le nom de maladie du viking. Mais est-ce qu'elle est dégénérative, non? Je sais pas, ça veut dire quoi. Mais est-ce que ça peut empirer? Ah oui, ça empire tout le temps. Okay. Toujours. Okay. Et ça ne touche que les mains, les doigts. Oui, ça concerne que les doigts. Bah, tu vois, ok. Est-ce que c'est douloureux? Pas du tout. Ok. C'est ça. Voilà. Non, non. Ça, mais, tu veux mais dire c'est handicapant. Ça peut toucher tes autres doigts? Bien sûr, regarde. Ah ça, merde. Ça commence, celui-là. Tu vois bien qu'ils sont pas normaux. C'est chiant, ça. Mais est-ce que c'est uniquement ici en Europe ou c'est partout? C'est essentiellement en Europe, oui. Je te dis, en Afrique, il n'y en a pas du tout. Curieusement, il y en a au Japon. Alors, est-ce que les Vikings sont allés jusqu'au Japon? Oh, ouais. Est-ce que les Néandertaliens sont allés jusqu'au Japon? Je ne sais pas, mais... Deux, trois perdus là-bas. Ah, tu sais, les... Mais la chanson anarchiste te plaît depuis le début? Ah oui, toujours, oui, oui. Ah, j'adore. Là. Côté, tu vas connaître sans doute. Côté. Pardon? Côté. Là. Pas compris, là. Gaston Côté. Côté. Ouais, Gaston Côté. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Gaston Côté. Oui, oui. Bah oui. Côté. Côté. Ah, excuse-moi, Côté. Oui, ah, ouais, Gaston Côté. Côté, Gaston ouais, Côté. Oui, ouais, ouais, j'adore, bien okay. sûr. Bah, je lui ai repiqué plein de trucs, d'ailleurs, sans lui demander son avis, mais bon. Non, mais je crois que ça ne le dérange plus. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui le dérange. Ah, c'est Gérard Pierron qui a fait de très belles musiques sur les chansons de Gaston Côté. Ouais. Oui, effectivement. Et puis, est-ce que tu trouves qu'elle a de plus en plus sa place, cette chanson révolutionnaire, anarchiste, prophète. Ben écoute, franchement, oui. Avec ce qui se passe. Le problème, c'est. Ben, le problème et l'avantage, c'est que les gens, maintenant, ils connaissent pas du tout, ils connaissent pas trop ces chansons-là. Mais je constate que chaque fois qu'on les chante, avec l'accordéon. Oui. Alors là, ça plaît à tout le monde. Mais ouais. Alors les mecs de gauche, de droite, les bourgeois, les aristos, tout le monde adore ce genre de chanson, tu vois. C'est... Parce que c'est marrant. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai ouvert la fenêtre en vole toi, mais vite d'un coup d'aile que je te vois pas. J'ai ouvert la fenêtre, envole-toi, mais vite d'un coup d'aile que je te rattrape pas. J'ai ouvert la fenêtre, tu me l'as demandé, un geste d'amour comme ça de plus beau y en a pas. Je serai là pour toi, autant que tu voudras quand t'auras besoin de moi, t'auras un peu froid. J'ai ouvert la fenêtre, envole-toi, mais vite d'un coup d'aile que je te vois pas. J'ai ouvert la fenêtre, envole-toi, mais vite d'un coup d'aile que je te rattrape pas. J'ai ouvert la fenêtre, fais un très beau voyage, et à la prochaine, si t'as un bon vent, si t'as un bon vent et du joli temps, viens faire un petit détour pour me dire bonjour. Vers la fenêtre, envole-toi, mais vite d'un coup d'aile que je te vois pas. J'ai ouvert la fenêtre, envole-toi, mais vite d'un coup d'aile que je te rattrape pas. Et quand tes ailes se seront déployées à la fin du voyage, quand tu seras bien sage, je voudrais qu'à ton tour tu fermes ma fenêtre, me voilà rassurée. D'un coup d'aile que je te vois pas. J'ai ouvert la fenêtre, envole-toi, mais vite d'un coup d'aile que je te rattrape pas. Il y a du texte, il y a du rythme, hein, en général c'est assez virulent, hein, c'est presque militaire, hein, par moment. Et ça marche très bien, hein, y a pas de... donc c'est un bon créneau. Quoi. Est-ce que tu reprends aussi du Bruant, hein? On n'est pas très loin. Bruant. Aristide Bruant. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ouais. Bah, on en fait beaucoup d'Aristide Bruant. Qui est quand même légendaire. Tout à fait, oui, oui. Ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu au départ avec cette chanson anarchiste et prophétaire? C'est le fait de revendiquer... Ben, le bon... Disons que j'ai toujours été un radical de gauche. Okay. ouais. Anticlérical. Et donc ces chansons anarchistes là qui vraiment vont directement au but, moi j'aime beaucoup ça. Et ça plaît, il suffit de les chanter. Là. Je suis sûr que si on se mettait à chanter dans la rue, là, tout le monde, ouais, on ferait un attroupement. Effectivement. Mais toi, Justine, tu es rentré là-dedans par la grande porte. Parce que tu écrivais tes compositions, donc toi, qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Ouais, bah moi aussi la chanson engagée, parce que ça faisait partie un peu de mon univers culturel, okay. Familial, on va dire. Ok. Mais donc, bon, moi j'avais d'autres prises aussi de la chanson réaliste, quoi. Ouais. Colette Renard. Réel et tout ça. Voilà, ce genre de trucs. Et puis. Non, on s'est bien retrouvés parce qu'on aime les mêmes choses. Et... Mais c'est quand même rare qu'une jeune fille s'intéresse à Fréhel et Ah, tu crois? Oui. Je sais pas. Normalement, oui, c'est beaucoup plus pop, Madonna et tout ah, ça. Ah ouais? Oui. Oui bon, là, je viens... Je viens de refaire des reprises un peu plus modernes là, avec ma copine Sarah, on vient de faire Diables. Mais, ok, ah oui, on essaie. Ouais. C'est éclectique. Ah mais c'est bien. L'idée c'est justement de pas faire. Ah, ouais. Oh. L'idée c'est justement de faire des choses qui ne sont plus à la mode du tout. Non, parce qu'il y a trop de gens. Ils les remettent au goût de chaud. Donc nous, on occupe le créneau disponible, si j'ose dire. Et oui, bon, parce qu'il nous plaît. Puis si tu veux, quand tu fais un concert, les gens, quand ils vont voir des concerts de personnes connues, par exemple, là, Mylène Farmer, qui a dû annuler ses deux Stades de France, il y avait 160 000 réservations. Les gens, ils y vont parce qu'ils connaissent le répertoire, ils ont envie de chanter, tout ça. Donc si tu fais un concert d'une heure et demie où les gens, ils connaissent aucune chanson, au bout d'un moment, c'est un peu ardu. Et donc, pour ça, moi, j'ai toujours mis des reprises, plus ou moins connues. Mais ça fait du bien et tout ça. Et avec Ricky, bon, tu dis qu'on chante des trucs pas connus, mais on chante aussi Le Temps des Cerises, par exemple, ça, que tout le monde reprend voilà, au cœur. Tout le monde connaît ça plus ou moins, ben oui. Chanter avec nous. Ben, Gréco l'a popularisé il y a encore jusqu'à la fin. Donc, il restait des doyennes et des doyens qui. Mais toi, qu'est-ce qui te. Aujourd'hui, cette chanson-là a sa place de plus en plus, comme on le disait. Quand tu regardes l'actualité. C'est de la redire, hein? C'est comme... Oui, mais bon, nous, on cherche pas à se mettre à faire du rap, à se mettre au du jour, non, bon. Même si, à la limite, on n'a rien contre, raconte-lui ton histoire avec le maître Gims. T'as vu que Justine a figuré dans un clip de maître Gims? Non. Tu connais Maître non, Gims? Non, pas du tout. Ah, tu connais pas Maître Gims? Pas du tout. Ça, c'est pas rentré chez nous. C'est pas vrai. Ben oui. Ah ben, c'est pas vrai. Non, ben, il est connu il quoi, y a beaucoup France, de chanteuses, de chanteurs très connus ici qui se sont pas rendus chez nous. Moi, je les connais par la force des choses. Mais... Tu voyages souvent ici? Ben oui, deux fois par année, mais là, c'est mon dernier voyage. Comment ça se fait? Ben parce que mon passeport prend fin dans quelques mois et je le renouvelle pas. Parce que je veux préparer ma retraite. Et donc, je suis ici, ça fait à peu près 14 ans que j'ai ici. Et les 4 dernières années, j'y venais deux fois par année, en février et en juillet. Et là, j'ai décidé de préparer une retraite au lieu de voyager. Mais quel rapport avec le passeport? Ben, c'est parce que ça coûte cher de venir ici à Paris, c'est moi qui paye tout. C'est pas ma radio. 15 jours deux fois par an, tu m'étonnes. Oui. Oui, mais avant ça, c'était une fois par année. Non, mais le passeport, c'est gratuit, le passeport. Non, mais c'est pas le passeport. En fait, si je renouvelle le passeport, je vais encore avoir le goût de revenir. En le renouvelant pas, ben ça me coupe les ailes. Ah, ben oui. Ben alors, c'est nous qui viendrons jusqu'à toi. Ben oui, c'est ça le but de la manœuvre. mais c'est certain qu'il faut que j'arrête de voyager pour économiser. Ah, d'accord, c'est ça ton problème. Comment c'est ça pas marche problème. La retraite Ben, moi j'ai toujours cette vision-là, que c'est la personne qui doit choisir sa retraite et non pas attendre après le gouvernement. Alors c'est de faire comme je vais faire, c'est d'empiler de l'argent pour éventuellement prendre une retraite avant. Moi je veux la prendre avant. Chez nous c'est 65 ans. Mais on parle peut-être 68 parce que il y a chez nous, il y a beaucoup de boulot, mais il n'y a personne qui veut l'avoir, qui veut avoir les emplois, parce que c'est des emplois précaires, salaire de base. Donc aujourd'hui, un caissier peut avoir 2-3 $ de plus que le salaire minimum. Parce qu'il va l'attirer. C'est normal. Et là, les gens qui étaient à la retraite, on les rappelle pour retourner sur le marché du travail. Ouais. Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ah ouais? Oui. Ouais. Il y a chez nous, ici, je ne sais pas si c'est une pénurie de main-d'œuvre. Oui, ben, ouais. Pour certains métiers, pour le bâtiment, pour la restauration. C'est ça, exactement. C'est voilà. Pour ça que, en cuisine, là, c'est presque toujours des peintures stallées. Oui, voilà. Ben, c'est les seuls qui veulent travailler. Hein. Mmh. Chez nous, c'est les Mexicains. Oui, les Mexicains, voilà. Qui récoltent les fraises de l'île d'Orléans, qui récoltent les framboises, qui récoltent les petits fruits, parce qu'il n'y a pas de Québécois qui veut faire ça. Parce que c'est des gens qui ont du cœur. On ne dit pas que le Québécois n'a pas de cœur, mais le Québécois veut... mise le jackpot, mais il l'atteint jamais, wow, man. C'est vrai. Ah, c'est ça. Non, mais c'est le même problème. Là. Donc, c'est pour ça que moi, je veux arrêter de voyager, non pas parce que j'aime pas ça, mais je dois passer à m'arrêter. Mais tu as un statut d'artiste, journaliste, de quoi? Pas du tout. Moi, j'ai deux boulots. Je travaille à CKRL, qui est la première radio communautaire francophone au monde. Oui, c'est ça. Et j'ai un boulot alimentaire, un plan B. Et je travaille dans une épicerie. Et j'ai travaillé pendant 28 ans de nuit comme caissier dans le quartier chaud de la ville de Québec. Le quartier de la prostitution, un peu comme Pigalle. 28 ans. J'ai ouvert l'entreprise puis j'ai fermé l'entreprise. J'ai été tout le temps le caissier de nuit. Donc, quand ils ont reconstruit, ils ont essayé de trouver des caissiers, mais comme ils ne voulaient pas payer, je suis pas retourné. Donc, je suis devenu... j'ai travaillé comme aujourd'hui, je suis dans une épicerie. Voilà. Et mon émission existe depuis 20 ans. Wow, voilà. Félicitations. Ouais, c'est ça. Et moi, je viens ici, je venais, mais je suis encore au présent, je suis encore ici. J'ai ici rencontré des artistes et je ramène ça au Québec avec la musique, avec tout ça. Et j'en fais des émissions. Donc, je vous fais connaître. D'accord. Voilà. Mais tout ça de manière totalement indépendante, alors. Indépendant, oui, mais CKRL est indépendant. Oui. Oui, mais t'es salarié quand même. Mais il n'y a pas une radio commerciale, même la radio d'État qui va payer quelqu'un pour venir à ta vie. Ouais. Même Radio-Canada paye. À part des journalistes peut-être télé, pour un événement comme ce qui se passe actuellement. Mais encore là, ça me surprend. Ça me surprendrait parce qu'ils vont prendre un journaliste déjà ici, basé ici, que ça coûte moins cher. Voilà. C'est à l'heure où la nuit commence. Je sens le mieux ta présence. Tu viens me saisir par la main. J'entends ta voix dans le silence. Contre l'amour que peut l'absence, le bonheur sourira demain. Non ma chère, ce n'est pas ce que tu crois, une séparation. Moi je verrai toujours derrière toi qu'il y aura 3 points de suspension. Trois petits points de suspension. Trois petits points de suspension. Je nous revois sur ce chemin où je marche comme un pantin. Car c'est dans l'ombre que je te vois. J'ai assez traîné ma souffrance. Mais on ne me bannira pas, ni de toi, ni de ta présence. Non ma chère, ce n'est pas ce que tu crois, une séparation. Moi je verrai toujours derrière toi qu'il y aura 3 points de suspension. 3 petits points de suspension. 3 petits points de suspension. Dire adieu au petit jour, saluer mon quartier natal. Je prendrai le même chemin, mater la vie d'un peu plus loin. Ce ne sera point un point final. Non ma chère, ce n'est pas ce que tu crois, une séparation. Moi je verrai toujours derrière toi qu'il y aura trois points de suspension. Trois petits points de suspension. Trois petits points de suspension. Donc, les gens qui viennent ici rencontrer des artistes, c'est par passion. Tout simplement par passion. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux mettre un terme. Mais après plusieurs années, là, en fait, c'est parce que mon passeport se termine en 24. Et on ne peut pas voyager trois mois avant la fin de son passeport. Donc, c'est mon dernier en juillet. Là, c'est ton dernier. Oui, oui, oui, c'est ça. Exactement. Exactement. La prochaine fois... Mais il reste Internet, hein. Internet est un... Ah bah oui, heureusement, oui. Est un lien... Internet, YouTube... Ah ouais, ouais, ouais, mais voilà. C'est ça. Exactement. Exactement. Contacts, oui. La preuve, hein. Mais oui, on est ici la ensemble. On en a la preuve. Mais oui, vas-y. Est-ce que par hasard, tu connaîtrais un dénommé Jean-Philippe Tabel? Non. Et qui occupait un haut poste à Ottawa au ministère de la Culture canadien. Ah ouais? Bon, ben écoute, je te... Parce que alors, c'est un type formidable, hein, c'est un vieux copain comme ça. On a fait nos études ensemble au lycée Henri IV, en français, bon. Et puis, alors, je ne sais plus par quelle opération, il a émigré au Canada comme ça. Il s'est marié avec une Américaine de Syracuse. Ouais. Syracuse, Massachusetts. Comme tout le monde. À côté, t'as Paris, t'as Montpellier. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est très drôle, les États-Unis. Ah oui. Margot, oui. Et donc, lui, il occupait un poste important là, au ministère de la Culture. Et justement, il s'occupait de... Enfin, de l'équivalent des intermittents du spectacle, ouais, là, au Canada. Il y en a pas chez les... Oui, non, mais ils ont un statut... Souvent, les artistes, là, auteurs, compositeurs, interprètes, oui. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un plan B, ils sont dans des restaurants, ils sont oui, serveurs, oui, oui. Serveuses. Oui, mais en tant qu'artiste, ils ont quand même un statut, d'après ce qu'ils m'expliquaient. Pas au Québec. Ah, pas au Québec. Pas au Québec. Au Québec. Puis même au Québec, au théâtre, il n'y a pas si longtemps, quand la pièce n'était pas sur scène, c'est-à-dire quand il y avait des répétitions, ils étaient bénévoles. Mm-hmm. L'artiste était bénévole jusqu'au moment où on présentait la pièce devant le public. C'est très précaire chez nous. Ici, vous êtes gâtés. Vous êtes... Oui. Ben, oui. Oui, ben, oui. Mais ça, il y en a beaucoup dans le jeune public. Les auteurs, compositeurs, interprètes, quand ils viennent au Québec, quand ils repartent pour venir à Paris, ils se rendent compte qu'ils sont privilégiés. Et il y a beaucoup de petits lieux chansons? Au Québec. Café, concert? À Québec, ou... plus ou moins. Plus ou moins. À Montréal, oui. À Montréal, de moins en moins. Ah oui, aussi? Ah oui, ouais, de moins en moins. Ah ben, j'y suis allé à Montréal. Il y a combien de temps? Oh, il y a longtemps. Hein. C'est ça. Il y a moins 20 ou 30 ans. Non, hein. tout a changé. Ah, ouais, ouais. Bon, malheureusement. Ils se sont mis au goût du jour, au goût mondial. Ah ouais? Ouais. Donc moi, je connais Jean-Philippe Tabel. Et lui, il continue à monter des pièces de théâtre. Mais toi... Oui. Mais toi, Ricky, là, tu prépares un disque. Donc, quelle chanson que tu vas vouloir placer là-dessus? Parce que tu peux pas en mettre une quarantaine. Oui, oui, bien sûr. Bernard Dimet. Oui, alors, ben oui. La chanson qui a le plus de succès, là, d'autant que j'ai rajouté des couplets en fonction de l'actualité, c'est la chanson de Fredo, là. Ok, oui. Oui. Le métingue du Métropolitain aussi. Le métingue, oui. Elle est de Kiss, déjà, celle-ci. Le métingue? Oui. Pas McNab, ouais, McNab, je crois. Ah, McNab. McNab, ouais. Un type un peu fou dans les années 1880. Alors, tu veux en placer combien à peu près? Est-ce que tu commences vraiment à le travailler ou si c'est juste à l'état? Ah, ben non, mais non, j'ai jamais travaillé, moi. Okay. Ah non, mais je veux dire pour faire un disque éventuellement. En fait, oui, non, mais pour faire un disque. Notre producteur, c'est Patrick Abrial. Ça te dit quelque chose? Non. Tu connais pas Patrick Abrial? Ben, c'est lui qui a fait les orchestrations là, du CD. Okay. Et type très fort. Il a fait. Et tu lui as donné ton CD ou quoi? Non, pas encore. Ah, pas encore, oui. Mais... Bon, on reverra ça plus tard. Et, donc, c'est lui le chef. Hein. Okay. Lui, il a un studio, tout ça. Déjà, on n'a pas loué un studio, oh, oui, je ne sais ça, pas ça quoi. C'est... Ouais. Mais... Non, bah, et bah, je sais pas, c'est lui qui nous dira, parce que bah, lui, il est. Comment dire, il est à la fois un musicien, c'est un vieux rocker comme ça. Attends, il a plus de 80 ans, hein, Patrick Cabriel. Non, pas plus de. Enfin, bientôt 80, je pense. Bientôt, ouais. Et. On partage longtemps, on partage après, mais... Non, non, c'est bon, j'ai mis 10 euros. Ok. Ah, ouais, bon. Alors, toi, c'est comme ça, ça part en vrille, c'est... Ah, oui, c'est ça, oui. Comme je te dis, moi, j'ai jamais travaillé comme ça. Enfin, le travail, c'est sur le temps, quoi. On est prêt, on y va. Voilà. Ouais. Moi, je vais pas trop tarder, parce que le petit... Ok, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On mange, là, ou quoi? Ah, non, non. Ah, tu manges pas, toi? Ben non, parce que là, je m'en vais voir un autre artiste. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai vu que tu avais un emploi du temps très chargé. Oui. À quelle heure tu as rendez-vous, là, maintenant? 15h, mais là, moi, je dois y aller à pied. Ah oui? C'est le coin de Moscou. Moscou? Ouais. Moscou? Ouais, attends. Non, il n'y a rien qui s'appelle Moscou à Paris. Attends. Ben, hey, mais je vais prendre des photos avant. Ouais, on va prendre des photos. Tu connais, c'est Claude Lemels. Oui, de... Ben, le parolier. De Joe Dassin. Alors, c'est... Ah oui, oui. Ben oui, c'est le rue de Moscou, dans le 8e. Alors, je le fais à pied, j'en ai pour 15 minutes. D'accord. Donc, je m'en vais le rencontrer chez lui. Il quitte demain pour Montréal. Il s'en va faire des spectacles. Lemels, c'est ça? Oui. Ah, ben, on connaît, au connaissable. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Tu es passé... Ah, il est marrant, ce mec. Ouais. Ben, un petit passé vieux, là, comme ça. Oui, ben, écoute, avec il doit avoir fin 70. Avec, Non. Claude Lemel. C'est ça, exactement. C'est un mec assez vieux. Oh, oui. Il a un dentier. Ah, que ça, des ouais. fois... Ah, ça déconne. Que des fois, ça déconne. Ouais, ouais, mais c'est pas... tu te demandes si c'est un jeu de scène ou... Non, c'est des claquettes. Oui, c'est ça, il fait des claquettes avec ses mâchoires. Mais toi, ton disque est prévu pour quand? Il n'y a rien de... Pardon? Non, on va le faire ton disque prochaine. Est prévu pour quand? Ton l'année disque... prochaine. Ton disque est prévu pour quel moment? Ah bon, on t'en sait rien, moi. C'est, non, attends, c'est Patrick Abrial qui décide. Hein, moi, je cherche pas. Alors tu attends que tout arrive. J'attends que ça vienne, et puis voilà, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, je m'en fous. Il faut que je chante, moi je suis content. Ah oui, c'est ça, mais comme là, maintenant. Voilà, c'est ça. Ben, voilà, c'est ça que j'adore. Alors ce sera diffusé, faites-vous en pas. On va diffuser cette chanson-là. Ouais. Et puis, je te souhaite le meilleur. Et lorsque le disque sera prêt, ben, j'attendrai, comme dit la chanson de Dalida, j'attendrai d'avoir le. J'attendrai. Et puis, Justine, si. Et je vais te faire une petite dédicace. Oui, ben oui, ben oui. Même Ricky, toi aussi, tu mets tant pis. Est-ce que tu as un crayon feu, toi? Non, attends, il a un crayon feu. J'en ai un. C'est tout fond noir. Alors, ah oui, oui, oui. Il faut un stylo blanc. On fait pas une petite chanson a cappella pour finir? Ah ben oui. Les filles des forges a cappella? Non, je ne sais pas. Non, je la sens pas en ce moment. Ok. Ouais. Non, je crois que tu veux pas. Oui, je suis. Ah oui, on va prendre des photos puis on... Alors merci d'être passé. Hein. Bah merci à toi pour l'invitation. Et puis à la revoyure. À la revoyure. J'adore dire à la revoyure. Oui, ben ça. Alban, c'est un prénom qui sonne comme un cadeau. Alban, c'est un cadeau qui sonne comme un prénom. Cadeau tombé du ciel pour venir jusqu'à moi. Cadeau tombé du temps, je n'attendais que toi. Cette fleur, cette merveille entourée de rubans. Mis ma vie en éveil, sois le bienvenu Alban. Les jours où il y a du vent, sur tu t'envoleras. Agrippe-toi fermement contre tout, je suis là. T'auras la joie au cœur et le sourire aux dents. Ton bonheur, c'est le vœu le plus cher de mon sang. Alban, c'est le prénom que tu portes si bien. Dedans mon ventre rond, tu as mis ce refrain. Alban, c'est un prénom qui sonne comme un cadeau. Alban, c'est un cadeau qui sonne comme un prénom. Mon cœur bat pour le tien, qui bat depuis un rien de temps nous tient, depuis on est si bien. Alban m'est arrivé, il est venu dire pourquoi les années sont passées, j'ai vécu jusqu'à toi, Alban, je te bercerai, tu t'en iras croissant, toujours je t'aimerai, tu peux grandir confiant. Alban, c'est comme un chant, comme une mélodie, une musique à trois temps, y a ton papa aussi. Tu es ma demi-lune, oui tu es ma moitié, maintenant je suis une personne en entier. Alban, si tu m'entends, fais entendre ta voix, la mienne éternellement près de toi vibrera. Elle te dira tout bas, ce que tu sais déjà, je t'aime tellement. Alban, Alban, Alban, Alban, Alban, c'est un prénom qui sonne comme un cadeau. Alban, c'est un cadeau qui sonne comme un prénom. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.